pourquoi j'ai choisi de chanter. Parce que j'ai tout essayé. La Méditerranée, on me trouvait trop tourmenté. Pourquoi j'ai choisi de chanter? Parce que je ne savais rien faire. Pour faire plaisir à ma mère, pour qu'elle cesse de s'inquiéter. Élever des gosses, ça m'intéresse pas. J'ai trop peur de la vie pour être papa. J'ai déjà bien trop de mal à m'assumer pour assurer leur sécurité. Aimer une femme, c'est toujours pareil. Il est vrai d'en croire que je suis fidèle. Je veux pas mentir, je sais pas si c'est normal. Et je vis seul pour pas lui faire de mal. Pourquoi j'ai choisi de chanter? Parce que j'ai tout essayé. Toute la Méditerranée, on me trouvait trop tourmenté. Pourquoi j'ai choisi de chanter? Il faut bien faire quelque chose. Parce que même quand je suis morose, j'ai pas le droit de me suicider. Et puis me battre pour gagner de l'argent. Jamais pu trouver ça passionnant. Je ne sais pas compter ni être méchant. Je comprends que les sentiments. Parce que je suis un mec à problème. Mais comme psychiatre, je préfère les poèmes. Et comme j'ai souvent l'âme nostalgique, je m'éclate plus que dans la musique. Pourquoi j'ai choisi de chanter? Parce que j'ai tout essayé. La Méditerranée, on me trouvait trop tourmenté. Pourquoi j'ai choisi de chanter?